Bonjour, voici en rediffusion au théâtre Chahut et Scandale avec Martial Poisson, une émission qui avait été diffusée le 30 juin 2018. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. L'argument « ceci blesse ma sensibilité, donc on doit l'interdire » est un argument déraisonnable, car l'argument raisonnable c'est « monsieur, si votre sensibilité est blessée par cette pièce, n'allez pas acheter vos places au contrôle, on joue d'autres choses ailleurs, il n'y a pas d'obligation, nous ne sommes pas à la radio. » Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le tout prochain Festival d'Avignon, le 72e, va marquer le 50e anniversaire de l'édition de 1968 qui vit la vague de mai bousculer brutalement l'œuvre de Jean Villard. Villard, le puissant créateur d'un théâtre populaire, préoccupé sans relâche de construire son œuvre à la scène, en ouverture à toutes les émotions sociales et civiques de son époque, et qui se trouva de la sorte, pour sa douleur, submergé par la force de passion dont il n'avait plus la maîtrise. C'est donc en forme de levée de rideau que j'ai souhaité ce matin, pour la dernière émission de notre saison, raconter l'histoire des relations que le théâtre, au long des siècles, a entretenues, relations souvent heurtées, toujours fécondes, avec la politique et avec la société alentour. Audaces et censures, révérences et courages, conformismes et scandales, tels vont être les objets de notre curiosité. L'État n'a jamais cessé d'être présent, qu'il ait la main lourde ou qu'il l'ait légère. Longtemps, il fut inquiet des troubles possibles, longtemps soucieux d'instrumentaliser pièces et auteurs, et le voici contraint désormais d'arbitrer tant bien que mal entre les outrances et les indignations. Jamais absent, en somme, pas plus que ne le sont, les emportements collectifs. Une belle histoire qui parle au-delà d'elle-même et que va nous permettre de restituer Martial Poisson, professeur d'histoire du théâtre à l'université de Saint-Denis, Paris 8, qui est si savant qu'on ne sait jamais de quel côté du rideau de scène il se trouve. Ils sont pour le moment plusieurs centaines de manifestants sur la place de l'Odéon, tous des anciens militaires, des anciens combattants de la guerre d'Algérie et aussi de la guerre d'Indochine. Ils sont venus avec des drapeaux et une banderole sur laquelle est inscrite « Gloire à l'armée, mouvement d'Occident ». Par contre, de l'autre côté, c'est-à-dire sous les colonnes du théâtre de l'Odéon, entourant Jean Genet, un fort groupe de contre-manifestants, de jeunes, qui, de leur côté, scandent des slogans. J'ai rencontré un des responsables de la manifestation militaire. Eh bien, nous, anciens combattants d'Algérie, nous sommes certains et nous sommes fiers d'avoir fait partie d'une armée qui n'était pas l'armée de Courteline. Et nous voudrions qu'une fois pour toutes, les gens qui font des films ou des pièces de théâtre sur notre combat nous dépeignent tels que nous étions et non pas tels qu'ils ont rêvé que nous pouvions être. Martial Poisson, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre une archive qui remonte à avril 1966. Il s'agit d'une manifestation d'anciens combattants de la guerre d'Algérie contre la pièce de Jean Genet, Les Paravents, qui était mise en scène par Jean-Louis Barrault au théâtre de l'Odéon. Il m'a semblé que cet épisode pouvait incarner assez bien, représenter les formes modernes de contestation du théâtre, d'invasion de la politique sur la scène ou proche de la scène, et c'est pourquoi je vous l'ai offert. Peut-être pouvez-vous nous rappeler les conditions de cet épisode ? Alors nous sommes 4 ans après l'indépendance de l'Algérie. La question donc post-coloniale est un sujet sensible en France, voire véritablement clivant. On a vraiment une bataille sur cette mémoire. Et Jean Genet, avec l'irrévérence qu'on lui connaît, commet une pièce qui est une véritable charge sur l'action de l'armée française en Algérie. Vision d'ailleurs tout à fait dialectique de l'histoire, hein, qui n'est pas aussi unidimensionnelle que les détracteurs ont bien voulu le faire à croire. Et cette pièce suscite une véritable controverse, alors pas tout à fait d'ailleurs dès les premières représentations, mais assez rapidement... La rumeur se répandant, des gens dont on peut penser qu'ils n'étaient pas des familiers des scènes de théâtre, et encore moins du théâtre de l'Odéon, un théâtre de l'institution, des anciens parachutistes, des sympathisants de mouvements d'extrême droite. Occident, semble-t-il. Voilà, Occident. Vont commettre une véritable opération commando en débarquant, faisant irruption dans le théâtre au moment du spectacle, renouant d'ailleurs en cela avec une pratique très ancienne qui consiste à invectiver le comédien, faire en sorte de compromettre la représentation, mais d'une façon, d'une extrême brutalité. Et puis ensuite, on a cette bataille rangée que raconte l'archive entre les contre-manifestants, partisans notamment, pas forcément de Genet d'ailleurs, mais de la liberté de l'expression artistique et ce groupe très mobilisé. Ce moment spécifique me paraît bien résumer une donnée majeure, c'est que le théâtre est au fond un marqueur de notre seuil d'intolérance à toutes les époques. Peut-on dire que c'est un point de cristallisation des polémiques qui traversent une société, une sorte d'espace rituel qui sert d'exutoire aux tensions idéologiques, et c'est vrai toujours? C'est vrai toujours, et j'ai envie de dire, c'est vrai dès les origines. On peut considérer que cette passion française que représente le théâtre, elle s'explique par la naissance d'une relation extrêmement forte, en particulier sous Louis XIV, entre le théâtre et le prince. On est dans une relation de type vassalique, où le roi Louis XIV a parfaitement compris l'intérêt qu'il y avait à utiliser le théâtre comme outil de propagande. Et en cela, d'ailleurs, il contrevient à l'Église, qui se méfie fortement des pouvoirs de séduction du théâtre. Et tout parce que, finalement, à toutes les époques, pendant très longtemps en tout cas, le théâtre a été le principal média à large diffusion. On peut remonter plus loin en arrière, si vous y consentez. On peut aller jusqu'à l'Antiquité grecque. Absolument. Alors, le théâtre grec est central dans le dispositif de la cité, puisque en particulier au moment de la mise en place des grandes Dionysies, environ 5 siècles avant notre ère, on a des notables qui comprennent que financer une politique de spectacle de grande ampleur est le meilleur moyen finalement de faire œuvre de propagande et de permettre de juguler un peuple à la fois soucieux de ses plaisirs et en même temps assez réceptif au message que le théâtre peut porter dans des spectacles. Avec une cité-État qui contrôle l'offre théâtrale par la commande publique et qui stimule aussi les subventions, celles du mécénat. Absolument. Système d'ailleurs qui va perdurer à l'époque romaine, dans une conception peut-être autre du théâtre, sans doute un peu moins civique et citoyenne et plus orientée vers ce qu'on appellerait aujourd'hui du divertissement, comprenant que le peuple peut communier dans des grandes cérémonies populaires. Le pain et les jeux, panem et circenses. Absolument, dans cette période de Coupe du Monde. On voit très bien l'intérêt que peuvent avoir ces grands rassemblements populaires. Mais il y a déjà une sorte d'état culturel, ce n'est pas être anachronique de le dire, avec un système de spectacle vraiment subventionné à des fins liturgiques, certes, mais aussi civiques et politiques. Absolument, ce système qui d'ailleurs va se perdurer et se radicaliser lors de la première modernité, quand l'État français, l'État-nation, se décide à mettre en place une véritable politique de la grandeur où le théâtre devient le principal outil d'ambassade. Entre-temps, il y a eu le Moyen-Âge, tout de même un mot sur le Moyen-Âge, parce que là, on voit qu'à partir du XIIIe siècle, déjà, il y a un développement du théâtre rural, d'ailleurs, plus qu'urbain, est-ce que je me trompe? Le théâtre est d'abord et avant tout rural, en effet. Il dissémine dans l'ensemble du territoire des pratiques qui sont des pratiques pour une grande part amateurs et encadrées par l'Église. L'Église étant d'ailleurs dans un rapport ambigu au théâtre, puisqu'à la fois elle le dénonce comme un art de la feintise qui concurrence le divin, puisqu'il est capable de créer de toutes pièces des personnages, et en même temps en l'utilisant comme un outil pédagogique de premier plan dans d'immenses mystères qui convoquaient finalement des villages entiers, des communautés rurales, pendant plusieurs mois encadrées par les personnels d'Église et qui rejouaient les passions du Christ. Il est assez notable que le jeu de la feuillée, 1276, une pièce de Adam de la Halle, a été la première qui ait été écrite entièrement en français et qui s'en prend à la réforme fiscale du clergé, en même temps qu'aux seigneurs d'Arras et à leur protecteur, le comte d'Artois. C'est là que c'est intéressant de voir que finalement les principaux mécènes du théâtre sont également l'objet d'un jeu de connivence avec le public, puisqu'ils acceptent de financer un art qui les remet directement en question, et même peut-être parfois en cause. Donc on voit une sorte de clairvoyance de la part de ces élites urbaines, entre-temps. Là, on est dans un théâtre qui, depuis, a investi la cité, au sens propre du terme, qui finance des artistes qui deviennent de plus en plus des professionnels. Des bourgeois qui ont le goût de rivaliser avec l'aristocratie féodale. Et c'est là qu'on voit cette évolution vers les villes. Tout à fait, à la fois en termes de faste et également dans cette capacité d'autodérision qui caractérise la fraction éclairée, en tout cas, de l'aristocratie. Alors, il faut courir un peu la poste et en arriver au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, avec ce moment où se développe un mécénat princier, avec le goût que va avoir le prince à partir de Louis XIII, de Richelieu. Richelieu qui est lui-même auteur de théâtre, le goût d'organiser la scène au profit de la grandeur du prince. Tout à fait, le théâtre devient sous Louis XIII et à plus forte raison sous Louis XIV, au moment où se mettent en place des grandes institutions publiques théâtrales, en particulier la Comédie française, fondée en 1680, mais avant elle, la troupe des comédiens français ordinaires du roi et des comédiens italiens ordinaires du roi. Les deux grands, les deux institutions rivales. Les deux institutions rivales et en même temps partenaires, puisqu'elles se partagent, si on peut dire, la scène officielle. Louis XIV a l'idée géniale de considérer que c'est pas en exerçant son pouvoir de censure qu'on peut contrôler les artistes, mais plutôt en leur donnant les conditions optimales pour exercer leur art. Donc le principe du privilège et de la pension, l'artiste pensionné, c'est celui qui tient finalement ses revenus du roi, revenus qui sont permanents à cette époque-là et qui lui permettent donc d'exercer son art en toute souveraineté, indépendamment de la logique du marché. Et donc ce système permet finalement de contrôler les artistes et de les faire travailler à sa grandeur sans avoir à les contraindre. On est dans une sorte de pacte vassalique transposé qui permet par exemple à Molière de terminer la plupart de ces grandes pièces, souvent créées à la cour, par l'exercice quasiment imposé de l'éloge au monarque. Évidemment, à cet égard, la pièce symbolique, topique, représentative, c'est le Tartuffe, où on voit après la description de l'entrée du personnage dans cette maison bourgeoise, jusqu'à conquérir le cœur du maître et son argent aussi. On est tout à coup à la fin. Le prince intervient pour rétablir la justice. Le prince est véritablement le deus ex machina. C'est celui qui va résoudre les conflits et qui donc va montrer sa capacité d'arbitrage et surtout sa clairvoyance face à une courtisanerie prompt à utiliser un discours à double adresse. Donc cette scène finale du Tartuffe, elle est très intéressante puisqu'elle est à la fois la radicalisation de la satire des dévots et en même temps l'appel à la justice royale et donc divine. À l'époque, on est en monarchie de droit divin, donc le roi tient sa clairvoyance directement de l'inspiration divine et finalement est en mesure de soutenir les artistes contre de très hauts dignitaires. Le roi Louis XIV va imposer la représentation de Tartuffe après 5 années de polémique avec les dévots. Donc Tartuffe est joué sur ordre du roi en 1669, alors que depuis 1664, il y a un acharnement médiatique du personnel d'église contre la pièce. Donc on voit bien que finalement le roi est capable de prendre fait et cause pour des artistes contre finalement la caste qui à l'époque lui donne l'essentiel de son pouvoir. Ce temps de monarchie absolue, le règne de Louis XIV, est-ce un paradoxe ou non ? L'un de ceux où la censure a été la plus nuancée et la plus modérée. Je vous propose d'écouter la fin de Tartuffe qui exprime bien cela. C'est l'exempt qui vient. Tartuffe croit que c'est pour obliger Argan à lui donner son argent comme il l'a promis. Mais retournement, c'est en fait pour se saisir de Tartuffe et le mettre en prison. C'est l'admirable Michel Bouquet qui interprète Tartuffe dans les derniers moments de son insolence. Et l'exempt, incarnant la justice royale, est interprété ici par Jean Deschamps. Nous sommes en 1968. Mais l'intérêt du prince est mon premier devoir. De ce devoir sacré, la juste violence étouffe dans mon cœur toute reconnaissance. Et je sacrifierai à de si puissants nœuds amis, femmes, parents et moi-même avec eux. L'imposteur. comme il sait de traîtresse manière se faire un beau manteau de tout ce qu'on révèle. Mais s'il est si parfait que vous le déclarez, ce zèle qui vous pousse et dont vous vous parez, d'où vient que pour paraître, il s'avise d'attendre qu'à poursuivre sa femme, il ait su vous surprendre, et que vous ne songez à l'aller dénoncer que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser? Je ne vous parle point, pour devoir en distraire, du don de tout son bien qu'il venait de vous faire, mais le voulant traiter en coupable aujourd'hui, pourquoi consentiez-vous à rien prendre de lui? Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie, et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir, et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui? Moi, monsieur? Oui, vous. Pourquoi donc la prison? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un fin discernement, sa grande âme pourvue sur les choses toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne surprend trop d'accès, et sa ferme raison ne tombe en nul excès. Il donne aux gens de bien une gloire immortelle, mais sans aveuglement il fait briller ce zèle, et l'amour pour les vrais ne ferme point son cœur à tout ce que les faux doivent donner d'horreur. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre, et de pièges plus fins, on le voit se défendre. D'abord, il a percé par ses vives clartés des replis de son cœur toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même, et, par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourbe renommé dont sous un autre nom il était informé. Et c'est un long détail d'actions toutes noires dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque, en un mot, a vers vous détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres horreurs, il a joint cette suite et ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusque au bout et vous faire, par lui, faire raison de tout. On ne peut pas dire, Martial Poisson, que Molière, en l'occurrence, est joué petit. On est dans l'exercice imposé de l'éloge au prince, et c'est un genre dans lequel Molière excelle, lui qui est à la fois donc un des grands dramaturges de l'époque et en même temps l'organisateur des divertissements de cour. Donc on ne pouvait pas attendre moins de sa part. Et surtout, à propos d'une pièce que le roi avait fortement soutenue de toute son autorité. C'est le temps aussi, c'est la fin du règne de Louis XIV en particulier, où décidément, le théâtre apparaît comme un espace de contestation. Nous allons pouvoir citer des scandales, des chahuts. Je pense en particulier à ce qui entoure l'affaire des poisons ou bien l'affaire de la fausse prude. Là, l'auteur a été moins prudent. Rappelez-nous tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux pièces, c'est que l'une est finalement utilisée comme un outil de propagande par le roi. On est en pleine affaire des poisons, donc cette célèbre empoisonneuse publique. La célèbre empoisonneuse publique qu'on soupçonne d'avoir eu des accointances fortes avec certaines personnes de la cour, et notamment la Montespan, qui est à l'époque la favorite du roi. Donc cette pièce de 1679... reprend l'affaire des poisons au moment même où est jugée l'empoisonneuse, où a été mis en place une chambre ardente pour faire un procès pour sorcellerie. C'est une pièce qui pourrait finalement mettre sur le devant de la scène une affaire d'État impliquant des grands dignitaires du régime et qui finalement... La devineresse ou les faux enchantements... De Thomas Corneille le frère, qui à l'époque est quasiment aussi connu que Pierre Corneille, et de Donaud de Vizet, qui est le directeur du célébrissime à l'époque Mercure Galant, le grand organe de presse de l'époque. Alors qu'est-ce qui se passe? On prend deux personnalités en vue qui vont faire une pièce à décharge qui va avoir pour fonction de se focaliser essentiellement sur les éléments de sorcellerie et mettre au second plan finalement l'affaire d'État. Donc on voit bien comment une pièce qui est quasiment une pièce de commande va pouvoir être utilisé par le roi pour rétablir finalement la réputation de la cour sous couvert de divertissement. Alors de maîtresse en maîtresse, de madame de Montespan à madame de Maintenon, on passe à l'affaire de la fausse prude 1697, qui est une pièce qui n'a pas été voulue, celle-là, et qui va s'en prendre effectivement à madame de Maintenon, et aboutir pour les comédiens italiens qui ont eu l'audace de se prêter à cette opération à une fin assez difficile. Tout à fait. On est là, cette fois-ci, dans une pièce de Baron, La fausse prude, qui est une des très nombreuses satires des dévots et d'une forme de religion excessive. Sauf qu'entre-temps, le roi est effectivement sous l'emprise de Madame de Maintenon, dont l'austérité et la sévérité est de notoriété publique et qui a tendance, effectivement, à assagir le roi, le règne de ce roi qui a commencé en dansant et qui termine, finalement, dans une sorte de méditation grave. Assagir, le mot est joli. Donc cette fois-ci, l'intransigeance du monarque, c'est quasiment un des seuls cas de censure d'une telle ampleur, puisque non seulement la pièce est interdite, mais le théâtre est fermé, et les comédiens italiens ordinaires du roi bannis jusqu'en 1716. On les somme de quitter le territoire sous un mois. Je ne me priverai pas de vous lire le récit, l'évocation qu'en fait dans ses mémoires Saint-Simon. Le roi chassa fort précipitamment toute la troupe des comédiens italiens et n'en voulut plus d'autres. Tant qu'ils n'avaient fait que se déborder en ordures sur le théâtre, et quelquefois en impiété, on n'avait fait qu'en rire. Mais ils s'avisèrent de jouer une pièce qu'on appelait la fausse prude, où madame de Maintenon fut aisément reconnue. Tout le monde y courut, mais après 3 ou 4 représentations qu'ils donnèrent à la suite, parce que le gain les y engagea, ils eurent ordre de fermer le théâtre et de vider le royaume en un mois. Cela fit grand bruit, et si ces comédiens y perdirent leur établissement, par leur hardiesse et par leur folie, celle, madame de Maintenon, celle qui les fit chasser, n'y gagna pas par la licence avec laquelle ce ridicule événement donna lieu d'en parler. On est là exactement à la rencontre entre l'audace, jusqu'où va-t-on, et pour le pouvoir, puisque nous parlons ce matin du théâtre et des pouvoirs, à quel moment l'État doit intervenir, soit par la censure après, soit par l'incitation avant. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on a effectivement un troisième terme entre l'État et les artistes, qui est le public. Ce que raconte d'ailleurs Saint-Simon en disant que les comédiens ont continué à jouer parce qu'en fait, ils faisaient recette. Donc le public afflue, le succès de scandale amplifie le phénomène, le fait de censure va d'ailleurs contribuer encore à le rendre plus public. Donc on voit bien finalement l'ambivalence du scandale, qui est à la fois quelque chose qu'on cherche à censurer, mais qui par la censure prend une dimension d'affaire d'État beaucoup plus importante. Et donc on a un roi qui va prendre conscience finalement du fait que même une pièce qui a été contrôlée, avisée par les censeurs, peut susciter des réactions inattendues. En fait, cette pièce est condamnée pour les réactions qu'elle a suscitées dans le public, prompt à voir des allusions d'actualité à travers la lecture à clé, beaucoup plus que pour son propos, qui était finalement, quand on lit la pièce à plusieurs siècles d'intervalle, tout à fait innocente. En réalité, c'est le public qui contribue à politiser un théâtre qui est un théâtre de convention et qui va avoir pour effet d'entraîner une prise de conscience des pouvoirs publics. Le pouvoir public, à partir notamment du XVIIIe siècle, vont avoir à cœur de domestiquer, voire de dociliser ce public, prenant conscience du fait que la salle de spectacle est peut-être le seul espace démocratique, avec beaucoup de guillemets évidemment, on pardonnerait l'anachronisme, mais en tout cas de liberté de parole et d'expression dans une société où l'espace public est encore largement contrôlé par les organes de l'État. Donc, vous nous dites que c'est la grande nouveauté du XVIIe siècle finissant et du XVIIIe surtout, que le fait que le public désormais joue un rôle essentiel dans cette histoire du théâtre. Le public a effectivement un rôle tout à fait important dans une salle de théâtre qui est à la fois le reflet de la hiérarchie dominante. Si vous prenez l'architecture du théâtre à l'italienne, chacun est placé selon son niveau de prestige. Vous avez les aristocrates de haut rang qui sont sur scène, c'est-à-dire qui finalement concurrencent le comédien, qui sont littéralement à la vue de tous. Vous avez les hauts dignitaires qui sont dans les loges et dans les baignoires, qui sont donc également visibles de tout le public. Et puis le public plus populaire, populaire étant évidemment un abus de langage pour l'époque, puisque la place au parterre coûte quand même une journée de travail d'un artisan. Donc vous voyez, c'est la petite bourgeoisie en fait qui se presse au parterre. Mais en tout cas, le public le plus populaire de l'édifice qui est au plus près de la scène, debout, dans une situation d'inconfort qui évidemment le pousse à exprimer d'une façon assez ostensible ses réactions. Un peu comme aujourd'hui dans un grand nombre de spectacles musicaux. On retrouve ça aujourd'hui dans la fosse des concerts de rock, mais ça n'est plus que dans ce genre d'endroit, puisque les théâtres entre-temps dits démocratiques, eux, se sont considérablement assagis. Le public ne manifeste plus grand-chose dans les théâtres publics, même quand les artistes, d'ailleurs, cherchent à susciter ces réactions. Tout cela s'explique parce que le XVIIIe siècle apparaît comme celui d'une sorte de, comment dire, de théâtromanie, avec une ferveur théâtrale que l'on ne connaît guère précédemment, et qui s'empare de toutes les couches de la société, une sorte de fringale. De théâtre, avec une compulsion d'écriture dramatique, avec des catégories élargies. On peut dire ça ? Le XVIIIe siècle est en effet le grand siècle du théâtre, puisque à peu près toutes les catégories de la société y prennent part, sous une forme ou sous une autre. Il ne s'est quasiment jamais autant écrit de pièces. Tout le monde est écrivain de théâtre. Il y a d'ailleurs une pièce qui se moque de ça, de Piron, qui s'appelle La Métromanie, hein, qui montre finalement que tout le monde rimaille, en fait, depuis la bonne société jusqu'à la petite bourgeoisie. On a également des théâtres de société qui sont extrêmement actifs et qui consistent à se donner la comédie entre amis, en soirée, entre deux divertissements, entre un dîner et un véritable spectacle. Donc tout le monde prend part à des petites formes qui sont improvisées généralement à partir de canevas sommaires réalisés par des artistes invités, des écrivains invités. Parfois d'ailleurs dirigés par de grands comédiens. Il y a des comédiens français qui vont dans la bonne société généralement donner leçon de théâtre à des grands dignitaires. Donc effectivement, le théâtre traverse la société. Et le XVIIIe siècle est également une société de spectacle au sens moderne du terme, presque au sens de où Guy Debord emploie cette expression aujourd'hui. C'est-à-dire que tout fait théâtre et que le pouvoir fait du théâtre un outil de propagande et de rayonnement. C'est là qu'on cite volontiers à l'époque le propos de Shakespeare dans Comme il vous plaira, As you like it. All the world is a stage and all the men and women merely players. Tout le monde est une scène et tous les hommes et les femmes sont simplement des acteurs. Ce mélange s'exprimait déjà antérieurement, au moment de Cyrano de Bergerac, par exemple. On se rappelle que Edmond Rostand, à la fin du XIXe siècle, dans sa pièce très célèbre, Cyrano de Bergerac, restitue ce moment au début de la pièce, dans un vacarme représentatif de ce qui se passait à l'époque, ses forces d'interdire, interdit à Montfleury de s'exprimer. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. J'ai pris un extrait du film de Jean-Paul Rapneau, où c'est Gérard Depardieu qui interprète le rôle de Cyrano. Écoutons-le et vous me direz si cette restitution avec un recul de deux siècles sonne juste. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin ! N'était-ce pas interdit pour un mois ? Hein ? Qui est-ce ? C'est lui. J'ai gagné. Roi des pitres ! Hors de scène à l'instant. Ah, monsieur. Tu récalcites ? Chut, assez. Bon Fleury, jouez. Ne craignez rien. Mais qui loin des coups dans un lieu seul. Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules ? Qui disparaît ? Qui loin des coups. Ah ! Je vais me fâcher. Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez. Que les marquis se taisent sur leur banc. Ou bien je vais tâter ma canne à leur ruban. J'en ai trop. Montfleury. Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Qu'il sorte. Mais monsieur, ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Insultons, monsieur. Vous insultez Italie. Montfleury, hors d'ici, Cyrano. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa larme. Toi, sors de scène. Oh. Eh bien, quelqu'un réclame. Rico. Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous. Vous n'êtes pas Samson. Je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre. Vous pensez, Martial Poisson, puisque nous parlons des rapports entre théâtre, public, État, les chahuts, les scandales, vous pensez que cette restitution par Rostand du théâtre au temps de Cyrano est pertinente? Alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que la restitution de Rostand est déjà une rétrospective, puisqu'elle se fait 2 siècles plus tard, et que le film vient encore 1 siècle plus tard, et que malgré tout, il me semble qu'on est là dans une vision assez juste de ce qu'était la salle de spectacle entre la fin du XVIIe siècle et, disons, la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire une salle où le public a pris pour habitude d'invectiver le comédien, c'est ce qui se passe là littéralement d'ailleurs dans l'extrait qui vient d'être cité, voire d'intervenir de façon plus directe encore sur scène en lançant des projectiles divers, voire en intervenant sur scène, hein, on parle de stage riots en Angleterre ou d'émeutes sur scène, il y a des spectacles qui se terminent véritablement dans une sorte de bataille rangée avec les banquettes qui sont brisées, les archers du roi qui sont obligés d'intervenir pour faire évacuer la salle. On a la trace de tout ça dans les archives de police notamment. Bien avant la police intervenant pour dans l'affaire des paravents. Tout à fait, oui, là on est déjà dans des interventions d'ailleurs beaucoup plus musclées puisque la salle est littéralement évacuée avec parfois d'ailleurs des cas de mort. Il est pas rare qu'il y ait des morts au théâtre. Elle est éclairée d'ailleurs la salle, on ne sait pas toujours que le noir n'est intervenu qu'à la fin du 19e siècle avec Antoine au Théâtre Libre. Oui, à partir de 1887, auparavant, non seulement elle est éclairée, mais elle est même sous les pleins feux, puisqu'on a d'immenses lustres qui sont accrochés au-dessus du parterre en particulier, et dont d'ailleurs les bougies coulent sur le parterre. Quand elles ne mettent pas le feu à la salle, comme c'est arrivé plusieurs fois, non? Oui, c'est arrivé plusieurs fois à l'Opéra Comique, à l'Opéra, à la Comédie Française. Le dernier incendie d'ailleurs datant de 1900, donc on voit qu'il y a une grande longévité de ces incendies. Les lustres étaient d'ailleurs le moyen pour une catégorie tout à fait intéressante de spectateurs qu'on a appelé les chevaliers du lustre, ou les romains, en hommage paradoxal d'ailleurs à l'empereur Néron, qui est le premier à avoir utilisé la claque. Donc là, on est dans un cas intéressant de... L'histoire de la claque. Vous devriez faire une histoire de la claque. J'y songe. Les claqueurs sont ce qu'on pourrait appeler des spectateurs gagés, qui peuvent être payés tantôt en nature, dans les cafés du coin, à coups de grandes rasades de mauvais vin, tantôt de façon rémunérée, tantôt avec des billets de complaisance, c'est-à-dire des places gratuites, et qui ont à charge d'exercer un effet d'entraînement sur le public, en fait. C'est des entraîneurs de salle ou des chauffeurs de salle, si vous voulez. Ça existe encore. En tout cas, on découvre qu'à la Comédie Française, on découvre avec étonnement. C'est seulement en 1906 que l'administrateur Claretti met fin à la pratique de la claque. Jules Clarty, avec beaucoup de courage d'ailleurs, il faut le signaler, met fin à la claque institutionnalisée, mais non pas à la pratique d'ailleurs, qui perdure en particulier en Italie, dans l'opéra, dans des pays où finalement la ferveur pour les spectacles est beaucoup plus grande peut-être qu'elle ne l'est encore aujourd'hui en France, ou même en Russie, on a encore des cas de claque professionnelle rémunérée. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, la pratique disparaît progressivement à partir du début du XXe siècle. Pour se transformer en autre chose d'ailleurs, puisque les scandales ne viennent plus à ce moment-là de ces professionnels du spectacle vivant, mais plutôt de la société civile, on y reviendra sûrement. Ce qui a disparu aussi au XIXe siècle, c'est la pratique des petits marquis, qui sont sur, ce ne sont pas tous des petits marquis, mais tous ceux qui ont acheté très cher les fauteuils qui sont sur la scène. Alors on date environ de 1637, c'est-à-dire la création du CID, cette pratique qui consistait à mettre des chaises, puis des bancs, puis des banquettes sur scène. Et pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle, les auteurs et les comédiens d'ailleurs souffrent de plus en plus de cette limitation de l'espace de jeu. Voltaire en particulier, soutenu par son comédien culte Lequin, se plaint très régulièrement de la présence sur scène de ses spectateurs. Molière s'en moquait déjà d'ailleurs dans une pièce, Les Fâcheux. Et ce n'est qu'en 1759, sous l'intervention d'un riche mécène, que cette pratique va pouvoir disparaître, puisqu'on va remplacer ces places par la création d'une nouvelle rangée de petites loges qui va permettre de débarrasser enfin le plateau de ses spectateurs. C'est peut-être la révolution scénique la plus importante du XVIIIe siècle, puisque tout à coup va se créer cette séparation entre l'espace du plateau et l'espace des spectateurs, ce qu'on appellera ensuite le quatrième mur. Vous parliez du parterre, Martial Poisson. Il y a un curieux débat au XVIIIe siècle qui divise les philosophes sur la question de savoir s'il faut continuer à laisser les gens debout ou s'il faut asseoir. Je vois que Marmontel explique que c'est un mérite paradoxal que cette situation plus pénible et moins indolente du spectateur, qu'une gêne continuelle et un flottement perpétuel doivent tenir en activité. Et en face, Voltaire, lui au contraire, dit « asseyez-les ». On a une véritable bataille rangée qui est à la fois une bataille artistique ou esthétique et une bataille politique sur la question de savoir en effet s'il faut asseoir le parterre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les tenants d'un parterre assis précisent à juste motif que asseoir le parterre permettrait de limiter la promiscuité de ses spectateurs, d'empêcher ces fameuses émeutes dont nous parlions à l'instant, de repérer les claqueurs et donc de pouvoir les neutraliser. Donc serait un outil de contrôle supplémentaire de la salle et permettrait d'avoir des conditions d'écoute des pièces proches de ce que Musset appellera au siècle suivant le théâtre dans un fauteuil. Le théâtre, finalement, comme il devrait être lu. Et à ces gens-là, donc Voltaire, mais aussi Rétif de la Bretonne, Grimm et bien d'autres, s'opposent les tenants du parterre debout, au premier rang desquels on trouve en effet Marmontel, mais également Mercier, qui lui considère que le fait d'avoir un parterre debout est le seul moyen d'entretenir justement cet esprit de corps et cette fusion du public, ce qu'il appelle la bête à mille têtes d'ailleurs, et de permettre donc d'avoir un public qui soit proactif et qui n'hésite pas à intervenir, à manifester, à partager ses émotions. Alors dans cette histoire que nous brossons ce matin du théâtre, avec son public, par rapport à l'État, la Révolution, naturellement, constitue un tournant majeur. La Révolution est en effet un intense moment de querelle et surtout peut-être le premier moment de fracture à l'intérieur des professions artistiques, puisque les auteurs sont divisés sur la part qu'ils doivent prendre aux événements, mais également les comédiens. Une pièce comme Charles IX va en particulier être à l'origine d'un véritable schisme au sein de la troupe des comédiens français, qui pour la première et la seule fois de leur histoire vont se scinder en deux. D'un côté les Rouges, dirigés par Talma, qu'on retrouvera ensuite comme artiste officiel de l'empereur Napoléon, et de l'autre côté d'Azincourt, qui était quand même le comédien qui donnait des cours de déclamation à Marie-Antoinette et qui reste extrêmement attaché à l'Ancien Régime, à ses fastes, à sa culture également. À la reine déclamait ? Ah oui, la reine déclamait dans son petit théâtre de la reine, à Trianon, tout à fait. En compagnie, justement, c'est l'exemple typique de ces théâtres de société. Elle recevait. Vous évoquez la pièce Charles IX, de Marie-Joseph Chénier, c'est le frère d'André Chénier, martyr de la guillotine. Une pièce de 1789, au tout début, qui, comme beaucoup d'autres pièces dans l'histoire, est évidemment comprise et interprétée à partir de sous-entendus, puisque Charles IX, c'est le roi de la Saint-Barthélemy, la mère est Catherine de Médicis. On voit Michel de l'Hôpital qui représente Necker, on voit la reine qui naturellement incarne la méchante Marie-Antoinette aux yeux des révolutionnaires, et le roi très faible qui est Charles IX. Et c'est ici Michel Etcheverry qui interprète le roi de Navarre, le futur Henri IV, qui vient apporter le bon sens, l'idée d'un équilibre et le refus horrifié des massacres des protestants. C'est une diffusion du 30 octobre 1963. De moi, n'attendez plus de servile contrainte. Cet art à nos Français si longtemps étrangers de flatter sa victime avant de l'égorger, que ne les laissiez-vous au fond de l'Italie, cruel ? Ainsi, par vous, la France est avilie. Ainsi, vous flétrissez le nom de Médicis. Vous renversez nos lois, vous perdez votre fils, vous perdez tout l'État, reine et mère coupable. Consommez vos destins, monarque déplorable. Ah, des devoirs d'un roi qui ne serait jaloux. Rendre son peuple heureux est un bonheur si doux. Et vous, de vos sujets, destructeurs inflexibles, roi d'un peuple vaillant, bon, généreux, sensible, vous vous rendez l'effroi de ce peuple indigné. Et sur le trône, assis, vous n'avez point régné. D'un forfait sans exemple, infortuné complice, vous n'éviterez pas votre juste supplice. Il a commencé. Et je vois dans vos yeux égarés le désespoir des cœurs en secret déchirés. Eh bien, vous n'avez fait que la moitié du crime. Je respire. Il vous reste encore une victime, prenez-la. Mais bientôt, le ciel va vous punir. À tant d'infortunés, le ciel va vous unir. Votre front est marqué du sceau de sa colère. Un repentir tardif vous parle et vous éclaire. Ce sentiment affreux précipitant vos jours au sein des voluptés en corrompra le cours. Vous craindrez et la France, et vous-même, et la vie. À Coligny mourant, vous porterez envie. Coligny, le fameux amiral protestant. Martial Poirson, beaucoup d'émotions autour de cette pièce, significative. On a en effet une pièce qui va être véritablement clivante à la fois pour les comédiens et pour la société, puisqu'il y est question d'un roi velléitaire qui peine à prendre des décisions, qui n'assume pas ses responsabilités, qui est incapable de créer le lien organique avec le peuple devenu souverain. Donc on a une pièce, vraiment un drame patriotique par Chénier, qui sera quand même un des pourvoyeurs officiels de ce théâtre révolutionnaire, de ces drames révolutionnaires. Donc la querelle porte moins sur la pièce que sur son interprétation, et entraîne un véritable dissensus parmi les comédiens. Talma jouant à la perfection ce roi velléitaire, c'est un des rôles qui le font véritablement connaître du public, et finissant, pour cette raison même, par se faire remercier par les comédiens de la troupe, entraînant en 1791 la division entre, d'un côté, le Théâtre de la Nation, ancienne Comédie française, qui reste dans le bâtiment de l'actuel Odéon. On dira aussi Théâtre français, indifféremment au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on dira aussi Théâtre français, tout à fait. Et de l'autre côté, le Théâtre de la République, fondé par Talma, dans l'actuelle salle Richelieu, donc de l'autre côté. Rive droite, si vous voulez, et qui, lui, aura à cœur, pendant toute la durée de la Révolution, de jouer des drames patriotiques puis républicains avec beaucoup de conviction, et un succès finalement assez modeste, puisqu'un des paradoxes du théâtre de la Révolution française, c'est que finalement le public préfère venir voir des bleuettes sentimentales, des pièces inconséquentes, voire des grands succès du répertoire de l'Ancien Régime, que ce théâtre de commande, très lié à des événements du temps, qui suit finalement l'actualité des batailles des armées républicaines, beaucoup plus qu'il ne suscite ces émotions que vient chercher le public. Et que d'ailleurs un homme comme Beaumarchais, au déclin de son âge, blâme comme trop violente. Un bref extrait d'une lettre qu'il a adressée à propos de Charles IX au comédien Florence. En ce moment de licence effrénée, où le peuple a beaucoup moins besoin d'être excité que contenu, ces barbares excès, à quelque partie qu'on les prête, me semblent dangereux à présenter au peuple et propres à justifier les siens à ses yeux. Plus Charles IX aura de succès, plus mon observation acquerra de force. Quel délassement de la scène d'un boulanger innocent, pendu, décapité, traîné dans les rues par le peuple, il n'y a pas 8 jours, et qui peut se renouveler. Que de nous montrer au théâtre, Coligny ainsi massacré, décapité, traîné par ordre de la cour. Nous avons plus besoin d'être consolés par le tableau des vertus de nos ancêtres qu'effrayés par celui de nos vices et de nos crimes. J'ai emprunté cette lecture par Sylvia Montfort, que vous aurez sûrement reconnu, Martial Poirson, à la même émission que l'extrait de Charles IX que je vous ai fait entendre. Cette émission s'appelait « Prestige du théâtre », donc le 30 octobre 1963, sur les ondes de la radio publique. Oui, alors ce qui est intéressant là dans la lettre de Beaumarchais, c'est qu'il pose une question qui va être récurrente tout au long du XIXe siècle, c'est la question de la violence politique. Est-ce qu'il faut représenter la violence? Et il reproche finalement, là encore, peut-être moins à la pièce qu'à l'excès de zèle de son interprétation, une sorte de surenchère dans l'exposition de la violence. Hein. Et la phrase est intéressante, le peuple doit moins être excité que contenu. On est dans un moment où le théâtre prend conscience de son pouvoir politique, de ses effets, sur l'assemblée des spectateurs et au-delà, et donc un certain nombre de dramaturges vont s'interroger sur l'efficacité de l'écriture dramatique et sa vocation finalement à incarner un certain nombre de débats publics. Il n'est pas le seul à s'en apercevoir, évidemment le premier consul, l'empereur, enfin Napoléon, est très très conscient de la force d'un théâtre de propagande, et à cet égard, cette période est celle d'un contrôle extrêmement étroit, marqué notamment par le fameux décret de Moscou, en 1812, qui définit la place de la Comédie française, autour souvent de ce Talma dont nous avons déjà parlé, et qui est l'acteur favori de Napoléon, au point à un moment donné à Erfurt d'être convié à s'exprimer devant un parterre de rois. Alors ce qui est intéressant en effet, c'est ce binôme qui se forme entre un Talma, dont on considère d'ailleurs qu'il a même physiquement des caractéristiques qui le rapprochent de l'empereur, et puis ce compagnonnage artistique qui va se poursuivre et faire de Talma finalement le principal organisateur d'une remise en ordre de la politique théâtrale qui commence avant même d'ailleurs que Napoléon devienne empereur, en 99, avec la réunion des deux troupes dissidentes de la Comédie française, et qui se poursuit en effet avec le dit décret de Moscou, dont le titre complet est intéressant, le décret impérial sur la surveillance, l'organisation, la comptabilité, la police et la discipline du théâtre français. On voit bien que Napoléon a à cœur non seulement de rétablir une censure stricte, mais également d'exercer un pouvoir de prescription. Napoléon va jusqu'à établir des listes de pièces, essentiellement des tragédies à sujet historique, recommandées, en fait préconisées pour leur vertu civique et citoyenne. Donc on voit une nouvelle fonction, tout à fait différente de celle de Louis XIV, qui intervenait assez peu finalement dans la prescription, puisque l'empereur devient une sorte de programmateur, si vous voulez, d'un théâtre destiné à l'édification populaire. Mais c'est une période qui va s'achever pratiquement avec la chute de Napoléon. La Restauration s'intéresse moins au théâtre. Et ce qui change au XIXe siècle, si je vous ai bien compris, si j'ai bien lu vos écrits, Martial Poisson, c'est le temps où le théâtre est pris à partie cette fois par la société et où le pouvoir, qui était défenseur ou qui était dominateur, se pose comme médiateur entre le public et le théâtre, lors de toutes sortes de chahuts, de scandales, dont le plus fameux demeure évidemment la bataille d'Hernani. À partir du XIXe siècle se met en place une nouvelle séquence historique où le public a été docilisé, voire domestiqué. On aura beaucoup moins d'émeutes et de chahuts dans la salle. On a également donc une société civile qui, d'ailleurs, en dehors du théâtre, va de plus en plus saisir le théâtre et le mettre face à des responsabilités et critiquer le pouvoir pour son trop de laxisme. On est passé d'un état censeur à un état médiateur qui est sommé finalement de rendre justice après coup à des pièces de théâtre dont les effets sont généralement démesurés par rapport à l'intention initiale des auteurs, voire de leurs interprètes. Et le cas de la bataille d'Hernani est tout à fait intéressant, puisqu'on a à la fois une bataille générationnelle, c'est la fameuse génération des enfants du siècle qui cherche à s'imposer. Et on est juste à la fin du règne de Charles X, peu de temps avant la révolution de juillet 1830. D'ailleurs, il y a une idée fausse persistante qui considère que Hernani a quasiment préfiguré, si vous voulez, la révolution de 1830. Ça n'est pas vrai, mais enfin, en tout cas, ça a beaucoup compté dans l'histoire de la littérature. Hernani de Victor Hugo, il faut peut-être le rappeler, qui vient marquer une opposition entre les anciens et les modernes. Victor Hugo lui-même le dit, ce siège est la lutte de l'ancien monde et du nouveau monde, nous sommes tous du nouveau monde. Voilà, on voit bien effectivement par cette phrase que... La formule existait déjà, elle était déjà active et on est véritablement dans une nouvelle querelle des anciens et des modernes. Sur le plan esthétique d'abord, il faut décoiffer ce que Victor Hugo considère comme du vieux théâtre poussiéreux et bourgeois. Et il faut également donner une efficacité politique à ce théâtre, en faire véritablement un outil d'éducation, d'édification du peuple. Et également, il faut permettre au théâtre d'assumer de plein droit sa vocation critique. Donc là, on a vraiment une posture d'auteur qui est tout à fait nouvelle et, pour tout dire, un peu révolutionnaire, et qui va ensuite se perpétuer, d'ailleurs, dans une grande partie du siècle, à travers des scandales de moindre ampleur, mais tout aussi importants pour l'histoire des représentations. Nous avons naturellement plusieurs récits d'après-coup de la bataille d'Hernani. Un des plus frappants est celui de Théophile Gautier, le grand ami de Victor Hugo, qui écrit « Malgré la terreur qu'inspirait la bande d'Hugo, répandue par petites escouades et facilement reconnaissable à ses ajustements excentriques et à ses airs féroces, bourdonnait dans la salle cette sourde rumeur des foules agitées qu'on ne comprime pas plus que celle de la mer. La passion qu'une salle contient se dégage toujours et se révèle par des signes irrécusables. » Il suffisait de jeter les yeux sur ce public pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas là d'une représentation ordinaire, que deux systèmes, deux partis, deux armées, deux civilisations même, Gautier ne s'interdit pas quelques grandiloquences, étaient en présence, se haïssant cordialement, comme on se hait dans les haines littéraires, ne demandant que la bataille et prêt à fondre l'un sur l'autre. Fin de citation. Voilà, on voit bien effectivement toute la posture de ces jeunes auteurs qui ont été convoqués d'ailleurs par Hugo. Hugo congédie la claque officielle, c'est tout à fait intéressant pour notre sujet, et met en place finalement une faction de partisans parmi lesquels on retrouve évidemment les plus éminents représentant de la génération romantique. Et Gautier a assisté absolument à toutes les représentations de la pièce, dont le scandale ne s'est jamais atténué. Une quarantaine de représentations consécutives ont donné lieu à chaque fois à des émeutes dans la salle. Pendant que l'État contemple sans intervenir autrement qu'en tâchant d'empêcher les heurts excessives, c'est ça ? L'État, à ce moment-là, a effectivement d'autres urgences à traiter tout ça se passe dans un moment où la tutelle a sensiblement relâché son intérêt pour le théâtre, et ce déjà depuis une quinzaine d'années. En fait, on est vraiment dans un moment creux des relations entre le théâtre et le pouvoir. Nous allons terminer notre conversation sur les relations entre le théâtre et l'État avec un mot sur la Troisième République, peut-être, qui se veut didactique, où le théâtre à thèse est extrêmement présent. On voit Jean Jaurès expliquer qu'une pièce comme Les Tisserands de Hauptmann pouvait jouer un rôle pour convaincre le peuple au socialisme, plus important que tous les écrits des théoriciens. Alors, sous la Troisième République, le théâtre redevient véritablement un outil de propagande active, avec deux défis pour la jeune République. D'une part, de républicaniser le répertoire ancien, dont un certain nombre de chefs-d'œuvre ont été produits sous l'Ancien Régime, ou en tout cas sous la férule des rois. Donc il y a tout un travail de réassimilation des auteurs canoniques, Molière en tout premier chef, et également donc de mise en place d'une infrastructure théâtrale qui permet de faire du théâtre une école du peuple ou une école de l'âge adulte. Là, on reprend en fait tout un vocabulaire qui est né en fait sous la Révolution française, mais qui n'a pas véritablement eu le temps de se mettre en place et qui va être vraiment opératoire sous la Troisième République. Avec une censure des théâtres qui ne prend fin qu'en 1906, donc très tard. Alors sous la Troisième République, il y a un moment très fameux, c'est évidemment la querelle qui se noue autour de la représentation de la pièce de Victorien Sardou, qui s'appelle Thermidor, et qui apparaît comme violemment anti-révolutionnaire. À telle enseigne que le gouvernement l'interdit au nom de la censure, ce qui évidemment provoque à la Chambre des députés des interpellations passionnées venues de la droite, avec une intervention restée fameuse de Clémenceau, celle où il explique que la Révolution est un bloc. Écoutons ici un extrait de son discours fameux lu par Henri Poirier dans l'émission Frissons fin de siècle sur France Culture, une émission de notre cher collègue Jean-Pierre Rioux, en date du 18 juillet 1990. Messieurs, ce serait une erreur de croire, comme quelques-uns de nos collègues paraissent le penser, que le résultat de cette discussion, c'est de nous faire voter pour ou contre Danton ou Robespierre. Il s'agit, à mon avis, de toute autre chose. Et c'est pour expliquer quel est, suivant moi, le sens du vote qui va être rendu, et dire pourquoi je vais voter la confiance au gouvernement, que j'ai demandé la parole. Il a été joué à la Comédie-Française, une pièce évidemment dirigée contre la Révolution française. Il est temps d'écarter toutes les tartufferies auxquelles on a eu recours pour dissimuler la réalité. On n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la République. On ne pouvait pas le faire à la Comédie française. On a pris un détour. On s'est caché derrière Danton. Depuis 3 jours, tous nos monarchistes revendiquent à l'envi la succession de Danton. J'admire quant à moi combien de dantonistes inattendus ont surgi tout à coup de ce côté la droite de la chambre. Je dis et je répète que la pièce est tout entière dirigée contre la Révolution française. Voyez plutôt qu'il applaudit et dites-moi qui pourrait s'y tromper. Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous choque, la Révolution française est un bloc. Nous ne laisserons pas salir la Révolution française par quelque spéculation que ce soit. Nous ne le tolérerons pas. Et si le gouvernement n'avait pas fait son devoir, les citoyens auraient fait le leur. Clémenceau a d'ailleurs nuancé après coup cette formule restée fameuse, la Révolution est un bloc, mais l'essentiel n'est pas là dans cette histoire des relations entre le théâtre et l'État. On est encore au moment où, pourtant Clémenceau était attaché aux libertés publiques de façon claire, il ne refuse pas que le gouvernement de centre-gauche ait interdit la pièce. Oui, c'est même une justification en bonne et due forme de la censure. Alors on est dans une séquence historique nouvelle, à mon avis, à cette période-là, où le théâtre est saisi par la société civile et où le législateur est sommé finalement d'arbitrer des différends qui naissent finalement en dehors des théâtres. Et ça, c'est notre 20e siècle. On est complètement dans notre 20e siècle. Les exemples seraient nombreux, de droite comme de gauche finalement. On a vu tout à l'heure les paravents en 66, mais on aurait pu citer l'affaire Brasillac en 57, hein, ou cette fois-ci... Brasillac, c'est ce qui écrit une pièce qui s'appelait Bérénice, qui a été jouée ensuite sous le titre de La Reine de Césarée, qui en gros s'est rédigée en 40. Raconte la fin d'une liaison entre une vieille femme juive et un jeune représentant de la race des vainqueurs. On peut résumer comme ça, non ? Absolument. D'ailleurs, Brasillac lui-même parle de drame de la race. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il a complètement transposé la question politique en en faisant une question à la fois de genre, une vieille femme avec un jeune homme, et une question donc où la race prend le premier plan. Et donc la pièce, qui évidemment est représentée à titre posthume, puisque Brasillac n'assiste pas à la représentation, il a été exécuté depuis longtemps, mais suscite un véritable tollé, et on voit bien finalement là se mettre en place quelque chose qui est encore le propre de notre époque et qu'on pourrait appeler une forme d'indignation rétrospective, puisque le public, c'est une bataille de la mémoire, en fait, comme était d'ailleurs également le problème de Thermidor. Est-ce qu'on doit ou non salir la mémoire des grands hommes de la Révolution française ? Est-ce qu'on peut, en 57, aborder la question juive comme si on savait pas ce qui s'est passé et quel a été le rôle de Brasillac lui-même, d'ailleurs, dans les événements ? Ou Coriolan en 33, au moment qui apparaît de Shakespeare, qui apparaît comme une sorte de louange rétrospective au système totalitaire, au fascisme. Avec, en fond de tableau, une évolution du théâtre et ce que Louis Jouvet évoquait en disant que désormais il y aurait deux sortes de metteurs en scène, ceux qui attendent tout de la pièce et ceux pour qui l'œuvre est une occasion. Et dès lors que l'œuvre est une occasion, c'est une façon de parler politique à la scène et par conséquent de susciter, non pas tellement aujourd'hui de l'État, mais du public, des réactions souvent passionnelles et quelquefois inattendues. Oui, quelquefois inattendues, vous faites bien de le préciser, puisqu'il y a des pièces qui sont attaqués d'ailleurs par des gens qui devraient en être les partisans. On peut prendre pour exemple la dernière querelle théâtrale en date, qui date de 2014, Exhibit B, à l'initiative du metteur en scène d'Afrique du Sud, Brett Bailey, qui est une pièce ouvertement antiraciste, une sorte d'hommage rendu finalement par le théâtre aux populations anciennement colonisées, où on recycle des os humains, mais qui est finalement prise à partie par une brigade anti-négrophobe, considérant qu'on rejoue l'humiliation coloniale beaucoup plus qu'on ne la dénonce. Donc on voit bien finalement là qu'il y a un contresens volontaire et délibéré qui est allé jusqu'à un recours au Conseil d'État avec une demande d'interdiction de la pièce. Merci beaucoup, Martial Poirson, d'achever de la sorte cette cavalcade d'âge en âge, de siècle en siècle, à propos de la question des relations entre le théâtre, le public et les pouvoirs publics à l'aube du prochain festival d'Avignon. Je voudrais citer votre livre qui s'appelle « Les audiences de Tally », paru parmi les classiques Garnier en 2013. Vous allez faire paraître, n'est-ce pas, une étude sur la comédie française, une histoire du théâtre dans la collection, dans les beaux livres du Seuil avec Agathe Sanjuan, qui est la conservatrice de la bibliothèque musée du théâtre français. Et puis, je voudrais citer pour une fois, ce n'est pas notre coutume, un livre en anglais, parce qu'il est très important, qui s'appelle The Contested Parterre, le parterre contesté, paru à l'Université Presse de Cornell en 1999. L'auteur en est Jeffrey Ravel. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète en français sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez écouter, vous le savez, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux avec Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac. Pour la dernière fois, malheureusement, Anne Kobilac a été magnifique de culture, d'efficacité, de sagesse et aussi de joyeuse complicité. Merci, merci beaucoup à elle. Elle avait magnifiquement succédé à Patrick Molinier, qui a été notre réalisateur si longtemps. Cédric Chatelus, aujourd'hui, était à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Annie Lozana pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 30 juin 2018 au théâtre Chahut et Scandale avec Martial Poirson. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour de Bernard Cerchiglini sur le thème « Féminiser les mots, portée d'une querelle ».